les ai pas vus, moi, je les ai... Ils m'ont aperçu et c'était fatal. M'ont tiré dessus en criant à mort, le visage pâle. Je les voyais bien, alors j'ai compris, c'était des Indiens qui venaient tout droit d'une surprise party. Vous les avez vus? C'est Indien, voyons. C'est même pas possible, des Indiens qui reviennent d'une surprise party. Moi je trouve que c'est pas... Je dirais plus rien, c'est fini, je dirais plus rien. Ah non. Mais la pluie soudain s'est mise à tomber, voulant pas se mouiller, ils se sont sauvés, un seul est resté. Oui, je les ai vus, vous ne me croirez pas, il n'en restait qu'un, mais Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Car tous ces Indiens, je dois l'avouer, je les connais bien, ce sont les copains de mon quartier. Vous les avez vus? C'est Indien, voilà. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est drôle là, c'est Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tiens, j'en ai un autre, Indien, voilà du bon.